Creep on in, on in, on in, on in, on in, in, on in, on in. See, I'm riding high. Yeah. Kind of broke the seam, y'all. So all I got is fire, fire, fire. I got fire. Player, pouf spot, player, pouf spot, de quoi être cool. Sur ce son, je roule avec mon blunt, je coule, lâche ma bouche, salope. Ne me casse pas les couilles avant que ça se barre en couille. Passe-moi la taille, laisse-moi boire un coup, boire un coup. Laisse-moi lancer l'aider, au bébé, j'ai gagné. Elle ne se décolle pas de moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me veux, moi? Ne m'énerve pas, je ne veux pas être toi. Je ne veux pas être King Kong. Alors laisse et retourne, joue au ping-pong. Tu captes mes sons, l'ambiance est bonne. Le son conne vers du cognac. Histoire que j'explose la baraque. Que t'es là, ou hop, réveille-toi. L'ambiance est là. Eh bébé, là, là. Eh bébé, danse avec moi. Danse avec moi. Danse avec moi. Ne me chante pas, ou alors on y va. On réglera ça plus tard. T'as le vétéran le plus marre. Passe-moi une cigarette. T'es ton briquet, c'est pour les mecs frais. Et pas les lâches, je plane au soleil. Je drague la gloire, sans vraiment trop la vouloir. Vraiment trop la vouloir. Tu peux voir ce que j'ai en moi. Mes problèmes brisent le dos. Des salopes veulent que je leur crame sur le dos. Je garde un mec dans mon dos, avec des salopes dans l'eau. Y'a rien de plus cool, man. It's so good, so good. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I rip my hand, next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoochies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. 'Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your host to cheap. What's up? Don't babysit that. Better pass the joint. Stop joint. You know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. 'Cause I know the weed in my system is getting lonely. Yeah. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel 'cause I done smoked major weed, bro. Smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat. Put the tango race straight, had me. On it. I got five on it. Oh yeah. Old school cheap, motherfucker. Yeah. 2008, motherfucker. 2008.